Unité 41. Conversation. Écoutez. Les élèves qui ont déjà leur livret scolaire entrent directement dans la salle. Les élèves ayant leur livret scolaire entrent directement dans la salle. Que font les élèves qui ont déjà leur livret scolaire? Les élèves ayant déjà leur livret scolaire entrent directement dans la salle. Le joueur qui a le numéro 52 gagne le gros lot. Le joueur ayant le numéro 52 gagne le gros lot. Qui gagne le gros lot? Le joueur ayant le numéro 52 gagne le gros lot. La personne qui a laissé sa voiture devant la porte est priée de se présenter. La personne ayant laissé sa voiture devant la porte est priée de se présenter. Que doit faire la personne qui a laissé sa voiture devant la porte? La personne ayant laissé sa voiture devant la porte est priée de se présenter. Les enfants qui ont un déguisement peuvent le mettre à Mardi Gras. Les enfants ayant un déguisement peuvent le mettre à Mardi Gras. Les enfants qui ont un déguisement peuvent-ils le mettre à Mardi Gras? Les enfants ayant un déguisement peuvent le mettre à Mardi Gras. Répétez. 1. Les élèves qui ont déjà leur livret scolaire entrent directement dans la salle. 2. Les élèves ayant leur livret scolaire entrent directement dans la salle. 3. Que font les élèves qui ont déjà leur livret scolaire? 4. Les élèves ayant déjà leur livret scolaire entrent directement dans la salle. 5. Le joueur qui a le numéro 52 gagne le gros lot. 6. Le joueur ayant le numéro 52 gagne le gros lot. 7. Qui gagne le gros lot? 8. Le joueur ayant le numéro 52 gagne le gros lot. 9. La personne qui a laissé sa voiture devant la porte est priée de se présenter. Dix. La personne ayant laissé sa voiture devant la porte est priée de se présenter. Onze. Que doit faire la personne qui a laissé sa voiture devant la porte? 12. La personne ayant laissé sa voiture devant la porte est priée de se présenter. 13. Les enfants qui ont un déguisement peuvent le mettre à Mardi Gras. 14. Les enfants ayant un déguisement peuvent le mettre à Mardi Gras. 15. Les enfants qui ont un déguisement peuvent-ils le mettre à Mardi Gras? 16. Les enfants ayant un déguisement peuvent le mettre à Mardi Gras. Répondez, répétez. 17. Que font les élèves qui ont déjà leur livret scolaire? 18. Les élèves ayant déjà leur livret scolaire entrent directement dans la salle. 19. Qui gagne le gros lot? 20. Le joueur ayant le numéro 52 gagne le gros lot. 21. Que doit faire la personne qui a laissé sa voiture devant la porte? 22. La personne ayant laissé sa voiture devant la porte est priée de se présenter. 23. Les enfants qui ont un déguisement peuvent-ils le mettre à Mardi Gras? 24. Les enfants ayant un déguisement peuvent le mettre à Mardi Gras. Écoutez. Les enseignants qui sont à l'étranger doivent envoyer directement leur dossier au ministère. Les enseignants étant à l'étranger doivent envoyer directement leur dossier au ministère. Que doivent faire les enseignants qui sont à l'étranger? Les enseignants étant à l'étranger doivent envoyer directement leur dossier au ministère. Les élèves qui sont dispensés de gymnastique doivent passer à l'infirmerie. Les élèves étant dispensés de gymnastique doivent passer à l'infirmerie. Que doivent faire les élèves qui sont dispensés de gymnastique? Les élèves étant dispensés de gymnastique doivent passer à l'infirmerie. Répétez. 25. Les enseignants qui sont à l'étranger doivent envoyer directement leur dossier au ministère. Les enseignants étant à l'étranger doivent envoyer directement leur dossier au ministère. Que doivent faire les enseignants qui sont à l'étranger? 28. Les enseignants étant à l'étranger doivent envoyer directement leur dossier au ministère. 29. Les élèves qui sont dispensés de gymnastique doivent passer à l'infirmerie. 30. Les élèves étant dispensés de gymnastique doivent passer à l'infirmerie. 31. Que doivent faire les élèves qui sont dispensés de gymnastique? 32. Les élèves étant dispensés de gymnastique doivent passer à l'infirmerie. Répondez, répétez. 33. Que doivent faire les enseignants qui sont à l'étranger? 34. Les enseignants étant à l'étranger doivent envoyer directement leur dossier au ministère. 35. Que doivent faire les élèves qui sont dispensés de gymnastique? 36. Les élèves étant dispensés de gymnastique doivent passer à l'infirmerie. Écoutez. Les employés qui habitent loin de Paris doivent prendre les trains de banlieue. Les employés habitant loin de Paris doivent prendre les trains de banlieue. Que doivent faire les employés qui habitent loin de Paris? Les employés habitant loin de Paris doivent prendre les trains de banlieue. La personne qui a déjà payé ses impôts ne tient pas compte de cet avis. La personne ayant déjà payé ses impôts ne tient pas compte de cet avis. La personne qui a déjà payé ses impôts tient-elle compte de cet avis? La personne ayant déjà payé ses impôts ne tient pas compte de cet avis. Les élèves qui finissent les cours à 20h ne reviennent pas le lendemain à 8h. Les élèves finissant les cours à 20h ne reviennent pas le lendemain à 8h. Les élèves qui finissent les cours à 20h reviennent-ils le lendemain à 8h? Les élèves finissant les cours à 20h ne reviennent pas le lendemain à 8h. Les locataires qui ont subi des dégâts à cause des inondations ont droit à une subvention. Les locataires ayant subi des dégâts à cause des inondations ont droit à une subvention. Les locataires qui ont subi des dégâts à cause des inondations ont-ils droit à une subvention? Les locataires ayant subi des dégâts à cause des inondations ont droit à une subvention. Répétez. 37. Les employés qui habitent loin de Paris doivent prendre les trains de banlieue. Trente-huit. Les employés habitant loin de Paris doivent prendre les trains de banlieue. Que doivent faire les employés qui habitent loin de Paris? 40. Les employés habitant loin de Paris doivent prendre les trains de banlieue. 41. La personne qui a déjà payé ses impôts ne tient pas compte de cet avis. 42. La personne ayant déjà payé ses impôts ne tient pas compte de cet avis. 43. La personne qui a déjà payé ses impôts tient-elle compte de cet avis? 44. La personne ayant déjà payé ses impôts ne tient pas compte de cet avis. 45. Les élèves qui finissent les cours à 20 heures ne reviennent pas le lendemain à 8 heures. 46. Les élèves finissant les cours à 20 heures ne reviennent pas le lendemain à 8 heures. 47. Les élèves qui finissent les cours à 20 heures reviennent-ils le lendemain à 8 heures? 48. Les élèves finissant les cours à 20 heures ne reviennent pas le lendemain à 8 heures. 49. Les locataires qui ont subi des dégâts à cause des inondations ont droit à une subvention. 50. Les locataires ayant subi des dégâts à cause des inondations ont droit à une subvention. 51. Les locataires qui ont subi des dégâts à cause des inondations ont-ils droit à une subvention? 52. Les locataires ayant subi des dégâts à cause des inondations ont droit à une subvention. 53. Que doivent faire les employés qui habitent loin de Paris? 54. Les employés habitant loin de Paris doivent prendre les trains de banlieue. 55. La personne qui a déjà payé ses impôts tient-elle compte de cet avis? 56. La personne ayant déjà payé ses impôts ne tient pas compte de cet avis. 57. Les élèves qui finissent les cours à 20 heures reviennent-ils le lendemain à 8 heures? 58. Les élèves finissant les cours à 20 heures ne reviennent pas le lendemain à 8 heures. 59. Les locataires qui ont subi des dégâts à cause des inondations ont-ils droit à une subvention? 60. Les locataires ayant subi des dégâts à cause des inondations ont droit à une subvention. Écoutez. Comme beaucoup d'employés ont une voiture, on a construit un parking spécial devant l'usine. Pourquoi a-t-on construit un parking spécial devant l'usine? Beaucoup d'employés ayant une voiture, on a construit un parking spécial devant l'usine. Puisque l'essence a augmenté, il faut réduire la consommation. L'essence ayant augmenté, il faut réduire la consommation. Pourquoi faut-il réduire la consommation d'essence? L'essence ayant augmenté, il faut réduire la consommation. Vu que je n'avais pas eu de tes nouvelles, j'étais inquiet. Pourquoi étais-tu inquiet? N'ayant pas eu de tes nouvelles, j'étais inquiet. Répétez. 61. Comme beaucoup d'employés ont une voiture, on a construit un parking spécial devant l'usine. Beaucoup d'employés ayant une voiture, on a construit un parking spécial devant l'usine. 63. Pourquoi a-t-on construit un parking spécial devant l'usine? 64. Beaucoup d'employés ayant une voiture, on a construit un parking spécial devant l'usine. 65. Puisque l'essence a augmenté, il faut réduire la consommation. 66. L'essence ayant augmenté, il faut réduire la consommation. 67. Pourquoi faut-il réduire la consommation d'essence? 68. L'essence ayant augmenté, il faut réduire la consommation. 69. Vu que je n'avais pas eu de tes nouvelles, j'étais inquiet. 70. N'ayant pas eu de tes nouvelles, j'étais inquiet. 71. Pourquoi étais-tu inquiet? 72. N'ayant pas eu de tes nouvelles, j'étais inquiet. Répondez, répétez. 73. Pourquoi a-t-on construit un parking spécial devant l'usine? 74. Beaucoup d'employés ayant une voiture, on a construit un parking spécial devant l'usine. 75. Pourquoi faut-il réduire la consommation d'essence? 76. L'essence ayant augmenté, il faut réduire la consommation. 77. Pourquoi étais-tu inquiet? 78. N'ayant pas eu de tes nouvelles, j'étais inquiet. Écoutez. Veux-tu que je t'emmène au restaurant? Oui. Les enfants étant partis en vacances, on peut sortir en amoureux. Comment se fait-il qu'on joue le malade imaginaire ce soir? Les comédiens ayant fait grève la semaine dernière, on a dû rajouter une représentation. Alors, finalement, tu as pu avoir Pierre? Non. La ligne étant toujours occupée, je n'ai pas pu lui parler. Répétez. 79. Veux-tu que je t'emmène au restaurant? 80. Oui, les enfants étant partis en vacances, on peut sortir en amoureux. 80. Comment se fait-il qu'on joue le malade imaginaire ce soir? 82. Les comédiens ayant fait grève la semaine dernière, on a dû rajouter une représentation. 83. Alors, finalement, tu as pu avoir Pierre? 84. Non, la ligne étant toujours occupée, je n'ai pas pu lui parler. Répondez, répétez. 85. Veux-tu que je t'emmène au restaurant? 86. Oui, les enfants étant partis en vacances, on peut sortir en amoureux. 87. Comment se fait-il qu'on joue le malade imaginaire ce soir? 88. Les comédiens ayant fait grève la semaine dernière, on a dû rajouter une représentation. 89. Alors, finalement, tu as pu avoir Pierre? 90. Non, la ligne étant toujours occupée, je n'ai pas pu lui parler.